Voilà, donc moi j'ai une expérience un peu sur ces questions de risques psychosociaux, entre guillemets, on les appelait risques psychosociaux il y a quelques temps, et puis on a un petit peu évolué, notamment pour que ce soit compréhensible sur le terrain, parce que ça reste des concepts quand même assez généraux. Et donc, à l'occasion notamment des formations syndicales, alors des formations des élus de CHSCT, mais pas seulement, il y a un enjeu important, nous semble-t-il, à ce que ces questions soient portées, pas seulement sur un angle de spécialiste, mais vraiment sur des questions de politique syndicale générale. J'ai essayé de reprendre donc les questions de l'action syndicale, les questions d'expertise et les débats que ça soulève dans les organisations, dans le débat public. Et on verra qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été repris ce matin, soit par l'intervention de Thomas, soit par l'intervention de Philippe, avec lequel on a travaillé depuis quelques années. Et puis les questions juridiques. Alors, comme je viens de le dire, là, c'est les enjeux du débat et le contexte, c'est vraiment des questions pour lesquelles il y a débat à l'intérieur des organisations et entre organisations syndicales. Comme dans d'autres domaines, mais ça recoupe pas forcément toujours dans les débats dans les débats syndicaux. Il y a des équipes syndicales, par exemple, de terrain, quelles que soient les organisations syndicales, qui prennent en charge ces questions-là de manière assez importante. Et les débats vont avoir lieu donc dans les syndicats et puis effectivement entre les syndicats également. Il y a une nécessité pour nous de se situer dans le débat public et avec une difficulté parfois de dépasser les discours très, très généraux pour avoir des points de vue qui soient plus liés effectivement au niveau du terrain. Ce qui nous guide dans les formations et dans l'action syndicale au niveau de l'Union syndicale solidaire sur ces questions, c'est qu'est-ce qui est opérationnel en termes d'action, hein, en termes de mobilisation, en termes de mise à l'action. En signalant qu'on est quand même dans une période qui est actuellement particulière, qui est marquée par une précarisation quand même qui est importante. Hein, dans les années 70, on va dire, quand des salariés étaient sous pression, ils partaient des entreprises. Aujourd'hui, la situation de précarisation, le niveau du chômage. Donc, bien sûr que dans un premier temps, c'était surtout les questions d'emploi qui ont été prises en compte et pas tant les questions de conditions de travail, mais il y a quand même un lien évident entre la question de l'emploi et les questions de ce qui est vécu par les salariés aujourd'hui. Il y a beaucoup d'endroits où, sous la pression des méthodes d'organisation, sous la pression de l'encadrement, les salariés partiraient des secteurs dans lesquels ils sont. Et aujourd'hui, une des difficultés auxquelles on est confronté, c'est effectivement le niveau de chômage, le niveau de précarisation. Avec en même temps des atteintes quand même sans précédent aux droits syndicaux. Les CHSCT sont vraiment complètement en débat. En tout cas, ce qui nous est présenté, ce qui nous est proposé actuellement sur une loi théoriquement sur le dialogue social, c'est quand même pour partie la fin des CHSCT jusqu'à 300 salariés. Ça deviendra une instance unique avec, on nous dit, les mêmes droits qu'eux, mais on n'y croit pas une seconde. Les seuils sociaux, des atteintes extrêmement importantes au code du travail, des modifications au niveau des prud'hommes, donc des possibilités en justice de faire reconnaître un certain nombre de choses, puisque on avait jusqu'à présent une élection, une espèce de deal qui a été passé, et ce serait au niveau de la représentativité, soi-disant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de votants. Enfin voilà, on est quand même dans un contexte à la fois de précarisation importante et de remise en cause des droits syndicaux, alors que, et c'était souligné, on est dans un contrat de travail déséquilibré avec des règles de subordination. Et on est obligé, nous, au niveau syndical, de jongler un peu sur toutes ces questions-là. Pour signaler un peu d'entrée que voilà, un des débats qu'on a assez régulièrement avec les employeurs, parfois avec les autres syndicats, qu'on peut avoir dans les instances, c'est que les approches sont différentes, au moins sur, je souligne un petit peu sur trois questions pour commencer. Une des approches, c'est effectivement, c'est les salariés qui sont en difficulté, donc il faut effectivement les soigner parce que évidemment ils sont fragiles. Bon, ça c'est une approche hein, qu'on va avoir, y compris pour une partie des consultants dans les entreprises. Pour d'autres, la question principale qui est posée, c'est le travail qui aujourd'hui est dégradé, c'est les moyens qu'on ne donne pas aux salariés qui posent effectivement problème, et c'est le travail qu'il faut prendre en compte. C'est l'organisation du travail qu'il faut effectivement modifier. Et selon qu'on est sur une logique ou une autre, on va évidemment avoir, en termes de perspectives d'action, des choses qui vont être effectivement différentes. La question des approches individuelles ou des approches collectives, hein, faut-il répondre individuellement aux difficultés que rencontrent les salariés ou même au niveau des pratiques syndicales, j'en dirais quelques mots, la question des pratiques collectives, des approches collectives ne sont pas exactement les mêmes. Et puis, un débat quand même assez important, c'est qu'on nous parle de partenaires sociaux, nous c'est un terme qu'on récuse complètement. Pour être partenaire, il faut être un minimum égal. Hein, faut qu'il y ait un minimum de possibilités. On est partenaire quand on peut avoir des projets communs. Or, dans les entreprises aujourd'hui, il y a évidemment d'un côté des logiques financières extrêmement fortes, et des logiques de subordination extrêmement fortes. Et de l'autre côté, la question qui est posée, c'est pas comment on va se mettre d'accord entre nous pour avoir un dialogue partenarial. C'est évidemment comment, face à ces logiques, ces rouleaux compresseurs, on va développer un certain nombre de contre-pouvoirs, en tout cas de logiques, qui sont des logiques effectivement différentes. Hein. Et on verra de quoi il est question. C'est-à-dire que la question, c'est soit on se dit qu'aujourd'hui, il est possible de dialoguer et de trouver des accords sur ces questions. On voit que tous les accords nationaux sur ces questions sont extrêmement limités. Bon, nous, Solidaires, on n'est pas invités à ces négociations, mais peu importe. On voit bien quand même que le résultat aujourd'hui, c'est des compromis qui sont pour le moins extrêmement boiteux. Et la question du développement des contre-pouvoirs, hein, du développement de possibilités de limiter, ne serait-ce que de limiter les dégâts, est quand même très, très, très compliquée. L'accord national interpro sur le stress, je reprends ça parce que ça fait écho au débat un peu de ce matin sur les questions des accords. Ce que disait le patron sur le site du MEDEF, hein, le Jean-René Buisson, qui était chef de la délégation du MEDEF sur l'accord stress, c'est: nous avons réussi à nous accorder sur une définition du stress au travail, l'une des principales difficultés de la négociation. Nous avons affirmé que les situations de stress ne viennent pas seulement des conditions de travail, mais qu'elles relèvent aussi de la situation personnelle des salariés, diverses selon leur comportement, leur environnement personnel et familial. Et on va se trouver en permanence dans les entreprises avec cette tension entre... Oui, mais une telle ou un tel, il est en difficulté, mais parce qu'il a des problèmes personnels. Hein, bon. Même si il peut y avoir des reconnaissances partielles de des difficultés liées à l'organisation du travail, c'est toujours au bout du compte sur les salariés qu'on va, quelque part, reporter les responsabilités... les problèmes qui sont posés en termes de pression au boulot. Pour compléter, y compris ce qui a été dit précédemment, ce qu'on essaie de regarder avec les militants syndicaux, c'est effectivement ce qu'il y a dans le débat social. Alors, Thomas a parlé ce matin du rapport... au Premier ministre, là, mais les rapports du Sénat ou la commission Copé, quand on voit ce qui est, par exemple, le rapport du Sénat de juillet 2010, le mal-être s'explique pour partie par la recherche de la performance à tout prix qui met les salariés sous pression. Nous, on signe ça. Un autre élément d'explication est à trouver dans l'isolement croissant des salariés, évidemment. Ou la commission Copé, la montée du chômage de masse engendre exacerbation des concurrences, tension sociale, précarité, éclatement des statuts au sein de la même entreprise. Alors, bon, ça, c'est quelques exemples, mais on peut en trouver des tonnes. La question qui est posée, c'est: quand on fait ce constat, qu'est-ce qu'on met en avant? Or, ce qui est mis en avant, on s'attendrait à ce que ce qui est mis en avant, c'est des mesures qui permettraient au moins d'atténuer le constat effectivement qui est fait. Or, Thomas a cité les 10 points du rapport au Premier ministre, mais les propositions qui sont faites par le Sénat, par la commission Copé, vont nous dire par exemple qu'il faut renforcer les CHSCT, alors qu'actuellement c'est tout à fait le contraire qui est en train de se faire. Il faut renforcer l'action des CHSCT. Bon, renforcer l'action des CHSCT, ça voudrait dire qu'effectivement, il faudrait que les avis des CHSCT puissent, à tant soit peu, être obligatoires. Enfin, en tout cas, que les avis soient des avis pour partie suspensifs des restructurations. Hein, bon. Non, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut que les élus du CHSCT soient élus directement. Pourquoi pas ? Mais c'est pas ça qui renforce en quoi que ce soit les droits et notamment l'effectivité des droits des CHSCT. Donc voilà, enfin, sur le débat public, enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les causes de tout ce qui se passe dans les boîtes sont plutôt aujourd'hui identifiées, que la difficulté, c'est que face à ça, il y a pour le coup pas grand-chose qui change, et au contraire. Oui, une dégradation donc extrêmement... enfin, une description de la réalité des dégradations des conditions de travail, des atteintes à la santé, les études, les enquêtes, les statistiques montrent ça. Alors, je souligne quand même deux limites qu'on voit souvent. La première, c'est que parfois, il y a des effets déformants qui masquent d'autres situations. Par exemple, on voit souvent la focalisation sur l'encadrement. Alors, s'il y a une dégradation de la situation de l'encadrement dans les entreprises aujourd'hui qui est réelle, il reste quand même que ceux qui sont le plus en difficulté, ça reste les ouvriers, les employés, etc. Et tout, et qu'il y a des écarts quand même relativement importants. Et puis, aussi, souvent, des analyses qui sont assez globales, qui, évidemment, vont rendre compte de loin des réalités et des effets constatés sur le terrain. Donc, avec... y compris des propositions qui sont assez diverses, on va retrouver dans un certain nombre de rapports ou parfois, notamment dans les consultants d'entreprise, la proposition, par exemple, qui paraît dans un premier temps une mesure de bon sens, on va détecter les salariés qui sont en difficulté. Hein, bon. Sauf que ça pose un tas de codes, c'est-à-dire que comment on va détecter les personnes qui, dans l'entreprise, sont en situation de faiblesse, etc. Et on va confier ça, par exemple, un certain nombre d'accords d'entreprise le proposent, on va confier ça à l'encadrement, on va confier ça au service de santé au travail, on va confier ça également au CHSCT. Avec les réponses qui vont derrière, c'est forcément des réponses individuelles, puisque les salariés sont en difficulté un peu individuellement, les groupes de parole, les tickets psy, les soins psycho, les numéros verts, etc., etc., les restructurations cognitives. Enfin, nous, la logique qu'on défend, c'est qu'à partir des salariés qui sont en difficulté, qui expriment des difficultés au niveau du travail, ce qu'il faut détecter, c'est les organisations du travail, c'est les méthodes du travail, c'est les origines, les causes de ces situations qui aboutissent à des situations de tension sur les salariés. C'est pas la même question, c'est pas du tout la même chose. Dans un cas, on individualise, et dans un cas, on va enfermer, faire des listes, etc. Tout. Ce qui peut poser d'ailleurs des problèmes relativement importants, hein, parce que si on confie à tout ce monde le soin de détecter ceux qui sont en difficulté, et qu'au bout du compte, on n'a pas détecté la personne, la responsabilité, ça va être sur celui qui n'a pas détecté. Alors que la question, c'est vraiment à partir des plaintes, à partir de l'expression des salariés qui sont en difficulté, de détecter les procédés, les organisations, les origines de tout ça. Au bout du compte, on est dans un travail de réflexion et de formation qui essaye en tout cas de passer de posture de victime à des postures actives. Enfin, ça nous paraît être vraiment quelque chose d'important parce que sur les questions d'experts médiatiques ou autres, les discours vont modeler un certain nombre de pratiques et peuvent conduire à un certain nombre d'impasses, notamment avec des positionnements qui vont enfermer les salariés dans des postures et des explications assez simplistes. Bon, Philippe en a pour partie parlé ce matin, alors que Ce qu'on essaye de faire, y compris avec les militants syndicaux, c'est de travailler avec les salariés pour comprendre les désaccords qu'il y a dans le travail, parce que c'est ça, et seulement ça, qui va augmenter leur capacité d'action collective. Alors, pour un petit schéma qu'on utilise en formation, la plupart du temps, sur les questions de harcèlement, sur les personnes qui vont venir rencontrer, y compris au local syndical, un militant syndical, ça va se traduire une plainte de « mon chef me harcèle » et il y a une situation de comportement hiérarchique, interindividuel, etc. Et tout. Bon. Une équipe de la FNAC de délégués de personnel de Paris m'explique qu'il y a une collègue qui vient de venir au local syndical et elle était chargée de réceptionner les livres et elle est harcelée par son chef. Elle nous dit qu'elle est harcelée par son chef. L'équipe syndicale lui dit donc, enfin, je leur demande ce qu'ils ont proposé à cette collègue. Et, ils me disent, mais on lui a demandé de noter tous les comportements du chef qui posent problème. Bon, là, on en est sur une situation où il y a des comportements qu'il faut dont sont victimes, dont est victime une personne et qu'il faut pouvoir effectivement noter. Bon. Ce qu'on essaye de travailler, c'est au-delà de ces problèmes de comportement entre personnes, c'est qu'est-ce qui fait l'objet du conflit. Ce qui n'est pas la même, ce qui n'est pas le même débat, c'est pas note le comportement de ton chef, c'est dis-nous comment il y a eu c'est quoi l'objet du conflit. Et par exemple, les délégués de personnel repartent voir la personne, et à quel moment ça a commencé, etc. Et tout, et elle leur dit, oui, non, mais ça a commencé le jour où j'ai dit à mon chef qu'il était incompétent. Bon. évidemment, la question qui est posée derrière, c'est, mais pourquoi tu lui as dit qu'il était incompétent? Ah ben voilà, je lui ai dit qu'il était incompétent parce que, avant j'avais les moyens de faire mon truc, j'ai demandé des formations qu'il ne m'a pas donné, j'ai besoin de moyens qu'il ne me donne pas, etc. Et tout. Vous voyez, si on est sur une approche qui est une approche du harcèlement un peu classique, il y a un chef qui me harcèle, il ne me dit pas bonjour le matin, il ne me salue pas, il a des propos, etc. Et tout, bon, qu'il faudra effectivement cadrer, mais bon voilà, on est sur ce terrain là Si on est sur un terrain qui est un terrain où on va rechercher quels sont les désaccords du travail, les possibilités en termes d'action ne sont pas du tout les mêmes. Dans le premier cas, au mieux, on peut aller en justice si on peut prouver une série de comportements et puis au bout du compte, il y en a un des deux qui va gicler, enfin, qui va partir. Dans l'autre cas, sur les questions de désaccords du travail, on va pouvoir parler formation professionnelle, on va pouvoir parler moyens, on va pouvoir parler effectifs, on va pouvoir parler un certain nombre de choses. On pourra en tout cas remettre de l'action collective là où dans un premier temps on est sur une action qui est quand même très défensive et très individuelle. Et la prise en charge, alors il ne s'agit pas de dire à la collègue qui vient nous voir, non mais t'es pas du tout harcelé, parce que c'est l'expression de sa souffrance, hein, de sa difficulté, mais reprendre avec elle les désaccords du travail, les désaccords d'organisation, les désaccords hiérarchiques, sur le fond, c'est évidemment augmenter de façon assez importante les possibilités d'action. Voilà. Un mot aussi, ça a été abordé ce matin, sur c'est aussi des points sur lesquels il y a discussion, hein, sur la question des méthodes des systèmes d'évaluation. Alors, d'abord, c'est les questions de systèmes d'évaluation sont souvent focalisés sur la question de l'entretien annuel ou en tout cas des entretiens individuels qui sont avec un système qui est plus ou moins formalisé. Ce qui nous paraît effectivement important, c'est sur ces systèmes d'évaluation de travailler pas seulement sur l'entretien annuel mais sur la totalité de ce que sont les systèmes d'évaluation dans les entreprises, avec souvent un affrontement avec la hiérarchie qui prétend imposer des normes qui ne prennent pas en compte les activités. Le plus souvent, on tombe quand même sur des situations d'évaluation qui sont quantitatives, d'une part, et d'autre part, qui sont plutôt sur des questions comportementales, notamment d'adhésion aux valeurs de l'entreprise. Hein, on va trouver souvent dans les évaluations des éléments effectivement importants dans ce domaine, qui pour partie sont contraires au code du travail, parce qu'il y a quand même des éléments dans le code qui normalement impose que ce ne soit que sur les questions professionnelles que soient prises en compte les entretiens. En même temps, c'est largement pas ça. On trouve effectivement une série de collectifs de travail qui peuvent être mises à mal, mais avec la nécessité de s'approcher du terrain pour comprendre quelles sont, dans les méthodes d'évaluation, dans les rapports hiérarchiques, dans les rapports de domination dans l'entreprise, ce qui effectivement coince. Parce que le discours général assez standardisé qu'on va trouver chez un certain nombre d'experts, y compris chez un certain nombre de syndicalistes, les entretiens individuels mettent à mal les collectifs de travail. On va retrouver ça parfois et parfois pas. Je cite souvent, quand des militants syndicaux de France Télécom me disent, par exemple, non, chez nous, les méthodes d'évaluation, ça détruit les collectifs, etc. et tout. Et qu'on leur demande, et avec ton chef, comment ça se passe? Ah ben non, moi, avec mon chef, il n'y a pas de problème. Bon, il y a un peu un hiatus, parce que si on tient ce discours général, qui est juste globalement, mais que les salariés s'y retrouvent pas nécessairement, ne s'y retrouvent pas forcément, on va se trouver sur des discours qui sont des discours très généraux, alors que la question, c'est d'aller au plus près voir ces questions de système d'évaluation. D'autres équipes syndicales, d'une équipe syndicale de France Télécom, d'un centre d'appel, par exemple, font autre chose. Ils proposent aux salariés d'échanger, de donner aux militants syndicaux le contenu des entretiens, enfin le double des entretiens individuels. Et ils travaillent à partir de ça pour se rendre compte qu'il y a souvent des écarts, des anomalies extrêmement importantes dans ces méthodes d'évaluation. Par exemple, comme l'encadrement est évidemment sous pression, on va pouvoir retrouver dans des entretiens d'évaluation le fait que on reproche à des salariés qui ont été malades des arrêts maladie, alors que c'est une discrimination pour motif de santé. C'est pas quelque chose qui normalement devrait rentrer dans les méthodes d'évaluation. On va retrouver parfois des remarques qui sont liées au fait qu'un des salariés a une activité syndicale, ce qui est parfaitement interdit, etc., etc. Donc, ce qu'on soutient, nous, sur la question des systèmes d'évaluation, c'est qu'il y a des contenus et des pratiques qui sont effectivement diverses, et qu'il faut aller voir comment ça se passe un peu individuellement, et que la question du discours général est loin d'être opérant. Et puis, il y a un certain nombre d'endroits où, effectivement, il n'y a pas du tout d'évaluation, il n'y a rien, mais il y a aussi une pression très importante. Ça peut être un des éléments qui met en cause les collectifs de travail, mais c'est largement pas forcément toujours le cas. Alors, pour compléter un peu les éléments de cet après-midi là, sur les actions juridiques, il y a un peu un débat dans les syndicats sur l'action juridique. Certains nous disant, mais l'action juridique, ça remplace l'action syndicale. Enfin, pour certains, ça remplacerait l'action syndicale. Non, enfin, en tout cas, la logique dans laquelle on est, nous, c'est de se dire que ça fait partie de l'action syndicale. Hein, ça fait partie de l'action syndicale un peu collective. Alors, évidemment, on a été largement à l'origine du procès la direction de la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes contre le benchmark. Hein, le benchmark, c'est un système de mise sous pression généralisée des agences, des agents, de tout le réseau de la Caisse d'Épargne sur Rhône-Alpes. C'était une expérimentation un peu test, et donc par deux fois au tribunal, au TGI et puis à la Cour d'appel, on a donc obtenu ce que dit par exemple le juge là, que l'organisation collective du travail basée sur un benchmark compromet gravement la santé des salariés de la Caisse régionale. CERA, c'est la caisse d'épargne Rhône-Alpes, et contrevient aux dispositions de l'article, etc., etc., du Code du travail. Alors, ceci dit, ça reste quand même une demi-victoire, parce que c'est extrêmement important de pointer les organisations du travail qui posent des cols. En même temps, le juge n'est pas allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a un système de benchmark largement allégé, mais... Oui, vas-y. Premier instant, le tribunal de Lyon avait annulé, supprimé le travail. Oui. La mise en danger de la santé mentale et psychologique des salariés. Un appel a été formé par la CERA. Et pendant cet appel, la CERA a effectivement allégé le benchmark, c'est-à-dire que pendant la première instance, on peut juste prononcer ce qu'il y a benchmarking entre salariés à l'intérieur de chaque agence et entre agences. Et que pendant l'appel, c'est assez nouveau, c'est que l'entreprise a pris des mesures, les conseillers à cour d'appel ont statué sur une situation qui a évolué entre la première instance et l'appel, où là, je crois que. La CERA a annulé le projet d'organisation du travail, benchmarking dans les agences entre salariés, et l'a maintenu entre agences. Donc, on continue à compter, à évaluer les agences entre. Elle continue pour partie avec les salariés, mais avec, une proportion qui est moindre. C'est-à-dire que la part du benchmark dans l'évaluation était très importante, elle est moins. Non, mais c'est vraiment très important hein, d'aller sur ce terrain-là en situant un peu les limites, quoi. Hein. Du coup, l'arrêt de la cour d'appel a une portée moins grande que le jugement de première instance. Alors, en soulignant quand même que pour aller à des niveaux de. Enfin, pour aller à des instances de ce type, hein, c'est au niveau syndical. C'est des heures et des heures et des heures de travail, quoi. Hein. Et que ça a à voir avec d'autres nécessités d'expertise, les expertises CHSCT sur lesquelles je dirai deux mots, des rapports de médecins du travail, des enquêtes de CHSCT, un travail de cabinet d'avocat, un travail d'enquête, etc. etc. Hein. Le travail nécessaire pour aboutir à des évolutions dans ce domaine est quand même extrêmement important. Et c'est là qu'effectivement, que la question, ce n'est pas déconnecté du tout de l'action syndicale collective. Je voudrais aussi souligner une chose, c'est que une des conséquences de ce jugement, c'est que les salariés de la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, qui étaient plutôt dans une posture d'être plutôt prostré par rapport à ces situations-là, en tout cas de subir de manière extrêmement importante ce système d'organisation, à partir du moment où la direction, par deux fois, prend un jugement contre elle, les bouches s'ouvrent. C'est-à-dire que la première caractéristique, y compris après le premier jugement, ce qu'on peut témoigner, c'est que les salariés entre eux débattaient de cette question du benchmark. Hein, ce qui ne faisait pas dans la situation effectivement préalable où il y avait un espèce de sentiment de soumission à ces systèmes. D'autres actions effectivement juridiques, les reconnaissances de fautes inexcusables, Renault notamment après des suicides, la mise en cause pénale des employeurs, je vais pas revenir, on en a parlé précédemment, et la mise en cause de plans sociaux, la FNAC, ou la mise en cause des méthodes d'évaluation. Sachant que, par exemple, la FNAC, c'est les CHSCT qui sont allés, et dans d'autres cas, c'est les syndicats. Il y a un travail effectivement commun aujourd'hui, justement, entre les instances et puis les organisations syndicales. En ressoulignant que ce travail de formalisation de représentants du personnel qui est souvent contesté est effectivement un travail extrêmement important et je le disais, ça va permettre pour partie le débat avec les salariés, ce qui est dans la période quelque chose d'important. Parmi les initiatives qu'on essaye de suivre, c'est aussi à la frontière un peu entre le juridique et la reconnaissance, c'est notamment sur la question des pétages de plomb. Aujourd'hui, la plupart du temps, quelqu'un est en difficulté, il se met en maladie. Hein, quelqu'un subit des propos d'un collègue, d'un encadrement, d'un client. J'en ai ras-le-bol, je rentre, je me mets en maladie. Bon, ce qu'on essaye de travailler... C'est de faire reconnaître en accident du travail ce qui est lié aujourd'hui au travail. On a tout un tas de... Il y a des secteurs où ça a assez bien évolué, où on arrive à faire reconnaître les pétages de plomb, les crises de nerfs, les crises de larmes, comme étant liées au travail et donc reconnues en accident de travail. Et il y a des enjeux quand même qui ne sont pas négligeables, parce que être malade parce que on n'a pas pu supporter une situation au travail ou être accidenté du travail, c'est pas la même logique, enfin c'est pas le même positionnement. Et puis du point de vue c'est pas non plus la même chose. Les accidents du travail sont pris en charge par l'employeur, les maladies sont prises en charge par la Sécu, par tout le monde. Et il y a un enjeu, y compris public, enfin, il y a un enjeu politique pour que ce soit effectivement pris en compte en accident du travail. Alors, avec souvent des conflits avec la Sécu, des conflits avec les experts, y compris, alors, notamment avec une situation particulière dans les fonctions publiques, avec la question des commissions de réforme où. La plupart de ceux qui... Enfin, d'abord, l'administration est jugée partie sur la reconnaissance de ces accidents, et en même temps, y compris au niveau médical, les experts, entre guillemets, médicaux, vont, la plupart du temps, mettre en avant la faiblesse des individus par rapport aux questions qui sont liées, effectivement, aux questions du travail. La question pour nous, en tout cas, même pour des salariés qui ne faisaient pas la déclaration d'accident du travail, le fait qu'ils sachent qu'il est possible qu'à partir du moment où il y a eu un événement qui est localisable en temps et en lieu, hein, qui peut être une altercation la plupart du temps, que cet événement puisse être considéré comme accident du travail, ça modifie, enfin pour partie en tout cas, la manière de prendre en charge les choses. Je ne suis pas victime d'une situation parce que je suis faible. Je suis dans une situation où c'est le travail qui m'a aujourd'hui mis en cause. La question des médecins du travail, donc ça fait partie normalement des alliés, des représentants du personnel, avec des pratiques qui peuvent être parfois un peu diverses. Des questions... avec souvent du manque du temps, du manque de moyens et une pression importante sur les médecins du travail qui veulent mettre en lumière ces questions de pression au travail. Et parfois avec des militants syndicaux qui sont un peu en difficulté par rapport au discours médical ou qui ont du mal à reprendre effectivement ce qui s'est dit. Et puis pour marquer quand même que une partie, que la majorité de médecins généralistes aujourd'hui sont très très loin de la connaissance de ce que sont les questions d'atteinte à la santé, et que notamment sur les questions de reconnaissance d'accident du travail, etc. et tout, ça reste quelque chose de compliqué à prendre en compte. La question des consultants, des expertises. Donc une partie des experts travaillent indifféremment comme conseiller de représentants du personnel et pour les chefs d'entreprise, y compris des grands cabinets d'expertise vont, je pense par exemple, travailler pour l'administration et puis le lendemain proposer leur service au CHSCT. Bon, là nous on pense qu'il y a quand même un peu des débats à avoir. Et puis parfois des propositions qui intègrent d'abord des logiques de gestion, souvent des propositions qui sont assez standardisées, avec une prise en charge, d'individuation, de la culpabilisation et la question du partenariat social. L'expertise CHSCT, donc un mot simplement pour rappeler que les représentants de personnel peuvent l'utiliser dans deux situations. Hein. À partir du moment où il y a une restructuration importante, où il y a consultation du CHSCT, il y a entre 45 jours et 60 jours, selon les cas, pour qu'un cabinet d'expertise CHSCT agréé puisse donner un avis sur la restructuration, notamment éclairer le CHSCT sur l'avis qu'il a à donner. Et le deuxième cas, c'est l'expertise risque grave, c'est-à-dire à partir du moment où il y a des risques graves dans l'entreprise, révélés ou non, par exemple par des droits d'alerte ou des accidents graves, etc. Et tout, il y a la possibilité d'avoir ces expertises de CHSCT. Donc il y a un nombre de cabinets relativement important, avec, nous semble-t-il, des pratiques quand même qui sont assez diverses, en tout cas nous ce qu'on constate, et avec parfois des représentants du personnel qui sont pas toujours préparés correctement à prendre en charge ces questions, qui ont parfois, j'allais dire, un peu sous-traité ça sans s'impliquer complètement, ou qui ne sont pas toujours formés pour comprendre les enjeux. L'expertise CHSCT, qui nous est présentée souvent comme devant être en équidistance entre les représentants du personnel et les représentants patronaux, bon, ça c'est la... C'est le prescrit. On voit bien que dans la réalité, il y a débat autour de cette neutralité, entre guillemets. Hein. Et puis, on est plutôt sur une logique, là encore, de que ce soit des initiatives d'expertise qui soient complémentaires à l'expertise syndicale, à l'expertise collective, et pas, effectivement, à la place. Ça peut être des expertises qui mettent en difficulté les représentants du personnel. Je cite celle-là, je pourrais citer plein d'expertises qui nous apportent des éléments, mais la question de faut-il un exemple de préconisation, hein, entendre, écouter la souffrance des salariés et entrer dans une dynamique de prévention primaire. Bon, jusque-là, pas de souci, on se dit qu'il va y avoir des propositions qui vont être intéressantes. Et on nous dit qu'il faut être attentif à l'écoute des personnes en difficulté, ne plus croire qu'il s'agit seulement de fragilité et de problèmes personnels. Okay. Certains salariés sont fréquemment absents et ou voient leur performance diminuer. Et pour l'entreprise, ça pose effectivement des cols que leur performance diminue. Des indicateurs peuvent permettre d'identifier des salariés en souffrance qui auraient besoin d'être accompagnés. Et lorsque certaines personnes ont été identifiées, il faut ensuite les informer des possibilités de soutien au sein de l'entreprise, s'il y en a, ou après des structures externes. Cette action relève de, enfin, ces actions qui relèvent de cette catégorie sont des réponses d'urgence. Dans cette entreprise-là, un centre d'appel téléphonique, les représentants au CHSCT se bagarraient depuis longtemps avec l'employeur pour faire complètement autre chose que ça, c'est-à-dire ne pas aller vers la mise en place des tickets psy, des téléphones, etc. et tout, mais se bagarraient pour effectivement qu'on identifie les questions d'organisation du travail qui permettraient de modifier les situations. Les questions de moyens, les questions de formation, les questions de etc. et tout. Et ils se retrouvent avec une expertise où on leur dit il faut lister les personnes qui sont en difficulté et les envoyer se faire soigner. Hein, je caricature, mais c'est largement ça, quoi. Je peux vous dire que dans cette situation-là, l'expertise, c'est un peu le sujet de séminaire, l'expertise va non seulement ne pas amener des éléments aux représentants du personnel, mais va alors les percuter dans des possibilités d'initiative et d'action collective. Alors, heureusement, on ne va pas retrouver ça il y a en tout cas, ce que je veux souligner, c'est que sur les expertises CHSCT, il y a des tensions aussi effectivement extrêmement importantes avec parfois des expertises qui ne servent pas à grand-chose, je le dis un peu comme ça, parfois des expertises qui nous posent des problèmes effectivement extrêmement importants, et heureusement, quand on travaille un peu correctement, on arrive à avoir des éléments qui sont complémentaires à l'action syndicale et qui peuvent nous permettre d'avancer. Alors, je voudrais souligner quand même que dans le contexte actuel, une partie des difficultés que rencontrent les syndicalistes, c'est ceux qui pensent que, avec un bon argumentaire, avec une bonne expertise, avec un bon apport, un bon rapport du médecin du travail, qu'ils vont aller voir l'employeur et que l'employeur il va prendre en compte ces éléments qui sont évidents. Bon, le constat qu'on fait, c'est que ça peut arriver, mais c'est quand même relativement rare. Et que la question qui est posée, c'est que les employeurs aujourd'hui bougent beaucoup plus que par le passé, avec deux contraintes. La question de la mobilisation des salariés, la mobilisation qui n'est pas seulement la question de l'arrêt de travail, hein, qui est la question de comment les salariés vont pousser pour modifier des situations, comment ils vont à un moment donné, ça peut être plein d'initiatives d'action possibles. Donc ça, c'est évidemment des représentants de personnel qui sont... coupés des salariés, en tout cas loin des salariés, se trouvent souvent en difficulté parce que leurs arguments, les arguments qu'ils mettent en avant au niveau des employeurs, sont des arguments qui sont effectivement sensés, qui sont bon, Sauf que si ça se fait, c'est un peu l'histoire des rats là ce matin avec Philippe, c'est que si les gens ne sont pas impliqués dans la mobilisation, les possibilités de bouger au niveau des employeurs vont être extrêmement faibles. Et puis la question des craintes qu'ils peuvent avoir sur des actions en justice qui nous semble qu'il faut effectivement prendre en charge et développer. Mais c'est important hein, parce qu'on voit notamment des jeunes militants, des nouveaux militants qui sont élus dans une instance, qui mettent beaucoup de cœur à préparer l'instance, et puis au bout du compte, le résultat, il est proche de zéro, quoi. Hein. Alors que c'est pas la même chose si évidemment on arrive à mettre à l'action les salariés. Dernière partie pour reprendre un petit peu. Bon, Philippe a parlé ce matin pour partie des recherches actions, des expériences qui sont déjà anciennes, mais quand même avec des logiques qui pour nous peuvent être un petit peu diverses. Les expériences de recherche action peuvent être des expériences de production de connaissances, ce qui est nécessaire. La question, c'est dans quelle mesure ça me permet de mettre à l'action ou pas. Hein. Et puis, on voit quand même des initiatives qui sont quand même du côté du dialogue social et du partenariat social. Nous, notre point de vue, c'est que la question qui est posée aujourd'hui, je l'ai dit au départ, c'est la question de la production, la mise à l'action et la question des contre-pouvoirs par rapport à ce qui se passe dans les entreprises sur la question de la pression au travail. Ce qu'on essaye, nous, de développer, et ce qu'on va développer encore un peu plus dans les mois et les années qui viennent, c'est des formations aux pratiques d'enquête-action, c'est-à-dire que les militants syndicaux aillent vérifier au plus près du terrain, aillent interroger les salariés au plus près du terrain sur les difficultés concrètes auxquelles qu'ils subissent. Quoi. Pour un syndicaliste, en tout cas, enquêter, c'est pas une enquête sociologique, c'est pas une enquête ergonomique, c'est pas une enquête psycho, même si les outils de la sociologie, de l'ergonomie, de la psychologie, etc., et tout, peuvent nous apporter. Ce qu'on essaie de développer, c'est des enquêtes qui sont tournées vers les actions possibles pour repartir du micro, pour effectivement de l'action au plus près, de l'action locale, pour pouvoir, y compris, reprendre des actions et des pressions plus macro. L'objectif n'est pas, dans un premier temps, de produire quelque chose vis-à-vis des directions, même si ça permet évidemment d'y aller et d'y intervenir. Une difficulté qu'on a parfois aussi, c'est que les syndicalistes vont aller rechercher d'abord la question de la souffrance. Pourquoi tu souffres ? Ce qu'on essaye de voir, c'est comment on dépasse ce questionnement pour aller chercher uniquement le versant souffrance, pour questionner sur les contradictions dans le travail, sur ce que voudraient mettre les salariés, ce qu'ils voudraient y mettre, et pour pouvoir avancer et comprendre les deux phases du travail. Sachant qu'une des difficultés, c'est que face à des situations de souffrance importantes, y compris dans les permanences, dans les locaux syndicaux aujourd'hui, il y a des salariés qui viennent dans des situations de souffrance, hein, de difficultés effectivement extrêmement importantes, et savoir pouvoir, d'une part, à un moment donné, passer la main à des spécialistes si c'est nécessaire, mais d'autre part, essayer de comprendre ce qui fait que les salariés sont dans ces difficultés, ce qui est là le travail syndical. Ça n'est pas forcément quelque chose qui est toujours très, très facile. Voilà, puis pour terminer, donc nous semble qu'il y a des enjeux de formation syndicale importants. Ce qu'on essaye de jumeler, c'est à la fois les connaissances des grandes enquêtes qui nous donnent des éléments des éléments généraux qui sont effectivement importants pour comprendre l'évolution du monde dans lequel on est, comprendre aussi les mécanismes de pression, des pressions et des réflexions critiques sur les discours qui sont effectivement développés, pouvoir se situer dans le débat public, et puis on essaye dans ces formations de regarder les dizaines de possibles, quoi. Ça va, je l'ai dit, hein, de la question de de comment faire connaître un accident de travail des pétages de câbles à comment on bosse avec les médecins du travail, comment on utilise les expertises, comment on utilise le juridique, etc., etc. Voilà, réfléchir sur les possibles et les pratiques de terrain. Et puis, continuer par des pratiques d'enquête-action syndicale sur les questions du travail qui nous permettent de renouer avec le terrain. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va passer. Oui, Louis, tu peux venir devant avec Bernard. Et donc, on va entamer la. D'abord, peut-être par des questions ou des remarques à l'intérieur. Oui, j'avais des questions à vous poser, monsieur Le Rouge. J'ai une remarque. Un médecin du travail n'est pas uniquement limité à la santé physique et mentale. Il intègre aussi la santé sociale, c'est la globalité de la santé. Je dirais même que comme syndicaliste, malheureusement, pour beaucoup de problèmes, les syndicalistes embarquent aussi la question de la santé sociale. C'est malheureusement une des conditions de la négociation de la force de travail. Voilà, bon, en plus, c'est cette remarque pour ce point particulier. J'ai pas bien compris où était la difficulté pour les juristes. C'est pas du côté de la définition des facteurs de risque. Les facteurs de risque, ils sont dorénavant bien connus, soit par les jurisprudences, soit par ce qu'a décrit Thomas Coutreau ce matin. Donc, c'est pas les facteurs de risque, c'est pas les effets. Les effets qui sont recherchés, c'est des maladies. Donc, c'est bien listé. La CRAM a fait une circulaire il n'y a pas très longtemps. C'est dépression professionnelle, état anxieux généralisé, état de stress post-traumatique, auquel j'ajouterais infarctus reconnu comme accident de travail du fait du stress. Hein, voilà. Donc, du côté des effets, à mon avis, c'est balisé, puisque l'employeur, lui, son rôle, enfin son obligation porte uniquement sur les maladies. Il n'en a rien à faire du bien-être au travail. Moi, quand on me fait un accord QVT, je sais que c'est un enfumage, puisque c'est du domaine de l'idéal. L'employeur, moi, tout ce que je lui demande, c'est que les gens ne se mettent pas sous le métro. Hein. C'est déjà. Voilà. Donc, un, on a bien les risques. Un, deux, on a bien les effets. Donc, j'en conclus, mais vous me direz si je me trompe, que le problème, c'est le problème du lien entre les deux. C'est la question de la subjectivité, précisément. Comment le juge va prendre en compte les dires et les avis d'experts. En ce qui concerne les médecins, c'est interdit de faire le lien. Il y a un rapport du Conseil national de l'Ordre des médecins qui précise bien, je dis bien les mots, il est interdit de faire le lien, entre des difficultés professionnelles et des éléments de la santé. Évidemment, je ne suis pas d'accord. À l'heure actuelle, nous avons plus qu'un certain nombre de procès dans ce domaine. Hein ? Le Conseil de l'Ordre ne comprend rien, n'a rien, et la question de la subjectivité, bien évidemment, lui échappe totalement, ou il fait semblant que ça lui échappe. Hein ? On va être gentil. Voilà. Donc, c'est bien la question de la subjectivité. Et à ce moment-là, moi, ça m'évoque quelque chose, cette question-là. C'est la question du viol. Disons, la jurisprudence en matière de viol a énormément évolué. Enfin, d'après, moi j'ai une vision absolument extérieure de la chose, mais j'ai l'impression que cette question, c'est-à-dire la subjectivité de la victime, dans cet acte, bien sûr, répréhensible, est quelque chose qui est pris en compte. Alors, à tort, à raison, il y a l'affaire Boutreau, etc., etc. Mais il reste néanmoins que la subjectivité des victimes est bien un élément de droit. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire le lien, disons, entre cette jurisprudence-là, c'est-à-dire la subjectivité des victimes pour le juge a une signification, et la question de la subjectivité dans le lien entre les risques et les effets en matière de santé au travail. Alors, sur la question de la définition, je suis parti sur le concept même de risque psychosocial. Effectivement, dans le contenu, il y a les facteurs, il y a les troubles ou les mêmes. Plus fort ? Oui, donc sur la définition, c'est parti sur le terme, le concept, les notions, c'est pas trop, c'est assez trouble, hein, de risques psychosociaux en lui-même. Je ne suis pas parti sur la définition des facteurs ou des manifestations de ces facteurs, parce que on aborde le risques psychosociaux dans dans cette globalité-là, sans les détailler ensuite derrière entre facteurs et manifestations. Alors, effectivement, les facteurs, on les détaille, mais on a une définition juridique du harcèlement, mais ça ne représente pas forcément l'ensemble des risques psychosociaux. Ça ne représente pas non plus forcément le lien entre organisation du travail et santé. Par ailleurs, les risques psychosociaux mettent mal à l'aise le juriste, parce que quand on veut parler d'un autre facteur, je sais pas, quand on est dans le stress, sur le stress par exemple, hop, la plupart du temps, le fondement juridique qui était soulevé était encore une fois le harcèlement moral. Alors, est-ce que pour prendre en compte tous ces facteurs, il faut définir, parce qu'une circulaire, ça n'a pas d'effet de droit, en fait, hein, ça n'a pas, les textes qui ont un effet de droit, ce sont les un effet exécutoire, si vous voulez, ce sont les lois et règlements. Le juge est dans un travail d'interprétation. Les circulaires sont là pour éclairer les textes ou donner des pistes à suivre pour le juge ou pour les agents de contrôle. Mais sur le concept de risques psychosociaux en lui-même, et donc du rapport des organisations et de leur impact sur la santé, ou du rapport du salarié aux organisations, une méthode de management, il n'y a pas de définition de catégorisation juridique. La seule catégorisation juridique que nous ayons, c'est sur essentiellement un facteur qui est le facteur relatif à harcèlement moral. En revanche, on arrive à appréhender les risques psychosociaux à travers leur contenu, effectivement, à travers le harcèlement, à travers la situation de stress, à travers la notion de dépression brutale, mais surtout on les appréhende à travers la réparation et pas sur le plan de la prévention. Parce que est-ce que juridiquement, si on n'a pas de catégorie juridique liée aux risques psychosociaux, il faut envisager une définition juridique et des instruments juridiques et dispositifs juridiques de lutte contre tous les facteurs de risques psychosociaux, et a fortiori des manifestations qui en résultent, ou alors est-ce que on a une approche plus globale? Discours que je voulais tenir, c'est que moi je suis plus en faveur d'une approche globale que qu'une approche forcément centrée ou définitivement centrée sur des facteurs l'un après l'autre, parce qu'après la santé au travail va continuer à évoluer, il va y avoir des adaptations, des changements, etc. Et donc on sera toujours à la poursuite. Alors que quand on est sur une approche plus générale sur la santé, une obligation générale de prévention de la santé physique et mentale, on n'est plus dans l'obligation d'objectiver des éléments qui sont quand même encore difficilement objectivables pour le droit malgré tout. Parce qu'après, comment le juge va s'approprier telle définition par rapport aux faits, comment il va confronter la définition aux faits qui lui sont soumis, etc. Ça demande un ensemble de compétences qui n'est pas forcément de l'ordre du juge, qui lui représente la compétence du droit. Par ailleurs, si on se place sur le terrain de la réparation, et ça me permettra de faire un petit détour sur votre intervention sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Il y a la question en ce moment de reconnaître des maladies comme le burn-out, la maladie professionnelle. Il y a des questions de faire entrer la dépression aussi dans les tableaux de maladies professionnelles. Et il y a la question de reconnaître des manifestations des risques psychosociaux en accident du travail ou en maladie professionnelle. Donc ici, effectivement, au niveau du droit de la sécurité sociale sur la réparation, mais pas au niveau du droit du travail, on est plus sur la prévention, on est plus sur le terrain l'objectivation des manifestations pour attribuer une réparation en lien avec cette manifestation. Or, on s'aperçoit que pour chaque manifestation, et parfois les plus spectaculaires, comme les tentatives de suicide ou les suicides, on passe par, et le burn-out aussi d'ailleurs, les dépressions, on passe par l'accident du travail, qui est un moyen plus commode pour faire appliquer la législation professionnelle aux manifestations des risques psychosociaux. Et ici non plus, effectivement, on n'a pas besoin forcément de définir les risques psychosociaux. Pourquoi je suis parti aussi sur la problématique de la définition juridique des risques psychosociaux, parce que il y a cette question-là qui revient assez souvent, nous, et qui a été tentée en Belgique, qui est on doit définir les risques psychosociaux si on veut les prendre juridiquement en compte. Et là où je vous rejoins, effectivement, on n'a pas besoin de les définir pour les prendre juridiquement en compte, puisqu'on est capable d'approcher les risques psychosociaux à travers leurs facteurs ou leurs manifestations. Alors pour revenir donc sur les accidents du travail, on reconnaît les dépressions brutales, on reconnaît aussi une nouvelle approche de la définition des accidents du travail. On n'est plus forcément sur cette soudaineté qui différencie l'accident d'ailleurs de la maladie professionnelle qui est progressive. On est sur un événement depuis avril 2003, la Cour de cassation a essayé de remoudre la définition, de la refonte dans un événement ou une série d'événements sur les arrêts vaccins. C'est-à-dire que on n'a plus forcément besoin d'avoir un événement brutal soudain pour entrer dans le champ de l'accident du travail, puisque avec les risques psychosociaux, les troubles de la santé mentale, ce qui est difficile, c'est qu'on n'est plus dans le domaine de la lésion, où il y a une objectivation, mais voilà, ça ne se voit pas forcément. C'est d'ailleurs une sous-déclaration, hein, les troubles mentaux liés au travail. Ça ne se voit pas, ça ne s'objective pas de la même façon qu'une lésion qui renvoie plus à une nature physique. Et donc à la fois en avril 2003, on est sur un décalage entre le fait générateur de l'accident et la reconnaissance en accident et l'apparition des troubles et ensuite l'accident du travail. Et en même temps, on est resté encore sur l'accident corporel, hein, la lésion corporelle, c'était la Cour de cassation. Et après, dans de nouveaux arrêts, à la fois on a un peu gommé cet aspect de soudaineté, mais en plus on a supprimé le terme de lésion qui renvoyait trop à l'aspect corporel de l'accident. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Je veux en venir au fait que maintenant, à travers l'exemple des vaccins où l'employeur vous oblige à vous vacciner contre l'hépatite B et certains salariés salariés se manifestaient des effets secondaires. Donc il y a eu un décalage entre le vaccin sous l'ordre de l'employeur et l'apparition des effets. Et bien, dans le cas d'une dépression, par exemple, on connaît bien la question des troubles psychologiques post-traumatiques, hein, qui sont reconnus depuis longtemps par la CNES d'ailleurs, mais il y a aussi les dépressions qui ne sont pas concomitantes, ou les tentatives de suicide ou suicide qui ne sont pas concomitants au fait générateur, à un entretien qui s'est mal passé ou un ensemble d'agissements de harcèlement moral, etc., qui ont conduit à ce passage à l'acte. Donc, désormais, on reconnaît à la fois un accident du travail, des burn-out, des dépressions, des tentatives de suicide et des suicides qui ne se sont pas produits juste après le fait générateur, voire même qui se sont produits pendant une période de suspension du contrat de travail. Ce sont des arrêts du 22 février 2007, un arrêt où un salarié a fait une tentative de suicide à son domicile pendant qu'il était en arrêt maladie. On a reconnu l'accident du travail. Pourquoi ? Parce que l'arrêt maladie était causé par des troubles anxio-dépressifs, même causé par des agissements de harcèlement moral au travail. Donc pendant la période de suspension du contrat de travail, on a quand même reconnu l'accident du travail, mais sauf que là, il n'y a pas de présomption d'imputabilité, puisque c'est à la victime, aux ayants droit, de prouver le lien avec l'entreprise. Et c'est là où je fais un détour par votre intervention sur les accidents du travail, c'est que dans la fonction publique, on était très en retard par rapport à ça, puisque il n'y avait pas la présomption d'imputabilité de la tentative du suicide ou du suicide. C'est-à-dire que c'était à la victime aux ayants droit de prouver que cette tentative de suicide ou de suicide s'est produite en temps et en lieu de travail et sous la subordination de l'administration. Et depuis le 16 juillet 2014, on a un inversement de la charge de la preuve, puisque le Conseil d'État reconnaît qu'une tentative de suicide ou un suicide qui s'est produit en temps et en lieu de service est présumé avoir un rapport avec le service. Donc, tout ce qui est reconnaissance d'application de la législation professionnelle, on est effectivement sur des définitions, on est obligé, hein, pour réparer un dommage, il faut qu'on arrive à le qualifier, donc on est sur la définition. En revanche, sur la prévention et sur risques pour la santé au travail, je ne pense pas qu'on soit obligé de définir juridiquement chaque facteur des risques psychosociaux, ni de définir les risques psychosociaux en eux-mêmes. Ils posent bien trop de problèmes pour le juriste en raison de leur caractère propre. On va prendre d'autres questions, d'autres remarques. Il y a une seconde question. Comment ? Il y avait une seconde question. Alors peut-être plus rapide parce que. Alors je ne connais pas la jurisprudence sur le viol. Là on est au paix. Les juristes du pénal et les juristes du travail ne raisonnent pas de la même manière. Par ailleurs, les juges, les magistrats pénaux sont des professionnels, alors que les juges du travail en première instance ne sont pas des professionnels. Donc, il y a une approche qui est différente, et plus une approche qui peut être aussi dogmatique, puisque chaque année, la présidence du Conseil des prud'hommes change. Un coup, c'est du côté employeur, un coup, c'est du côté salarié, et chaque année, les reconnaissances des questions en lien avec les risques psychosociaux souvent changent en fonction de la présidence du Conseil des prud'hommes. Sur la prise en compte de la subjectivité en tant que telle, et de manière à pouvoir distinguer quelles sont les conditions normales du travail, quelles sont les conditions qui réellement posent problème en matière de santé au travail, parce que chaque travailleur a un rapport qui est différent au travail, qui réagit différemment aux contraintes de travail. Effectivement, il faut avancer sur ces questions-là. Alors, peut-être qu'il y a des comparaisons possibles, mais ça, je ne suis pas assez spécialiste pour dire si la subjectivité de la personne, ou le rapport à la subjectivité de la personne, ou le rapport au subjectif de la personne au viol, ou le rapport subjectif de la personne au travail est comparable ou pas. Ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ça me paraît encore difficile. Donc, on va prendre une série de questions, remarques, Thomas ? Oui, non, c'est vrai que notre collègue Fabienne a dû partir. Donc elle n'a pas pu. La réponse était peut-être un peu longue, donc la discussion va avoir du mal à se déployer. Oui, mais sur des questions de fond, pas. Non, je pense qu'il y a un problème quand même dans la façon dont vous posez les choses. C'est-à-dire que tout ce que vous racontez, c'est une histoire de la jurisprudence. Il y a une jurisprudence qui se développe. Depuis 2002, 2004, 2009, etc. Donc, d'une part, la jurisprudence, bon, c'est fragile, c'est réversible, c'est quelque chose d'évolutif, et c'est quelque chose qui n'est pas systématique, en tout cas qui est très dépendant de l'humeur du moment, du juge, etc. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin, à un moment donné, quand même, d'un grand débat politique, national, démocratique, pour inscrire dans la loi l'évolution de la jurisprudence et la rendre moins facilement réversible. Ça, c'est une première question. Vous avez dit, il n'y a pas besoin de légiférer, il y a la jurisprudence. Ça m'étonne énormément de la part d'un juriste d'entendre ça, parce que je crois qu'il y a, à un moment donné, la loi, ça peut quand même servir. Oui, je vais revenir dessus pour être plus clair. Il y a une autre raison, je pense. Ensuite, vous avez parlé des facteurs de. Vous avez dit que c'est difficile de définir les facteurs de risque psychosociaux, et puis vous avez parlé du stress, du harcèlement, du burn-out. Alors, pour moi, en tout cas, les facteurs de risque psychosociaux, ce n'est pas ça du tout. Ça, ce sont des symptômes. Hein. Oui, c'est des symptômes ou des manifestations. Les facteurs de risque psychosociaux, c'est. Alors, on peut prendre la typologie du rapport de l'AC qui a le mérite d'avoir été légitimé. assumée dans son instance, y compris par le MEDEF. Pourquoi ne pas s'appuyer sur cette typologie des facteurs de risque psychosociaux, qui est consensuel comme le dialogue social, pour décrire précisément dans une loi ce que seraient les facteurs, ce que sont les facteurs de risque psychosociaux. Et ensuite au juge de caractériser si la situation correspondant à une plainte correspond à la description donnée par la loi des facteurs de risque. En tout cas, les facteurs de risque sont clairement listés, on peut préciser, on peut éventuellement les préciser, mais je pense que là, il n'y a pas de difficulté. Je rejoins ce que disait Alain tout à l'heure, il n'y a pas de difficulté juridique à caractériser les facteurs. Là encore, je ne comprends pas votre raisonnement sur le thème. C'est trop compliqué, on ne pourrait pas définir clairement les facteurs de risque. Je pense qu'il y a même un consensus social là-dessus, c'est assez rare. Hein. Il a peut-être été éphémère, mais en tout cas, il a existé, et il n'est pas officiellement caduc. Donc voilà, je compte. Bon. Alors, ensuite, évidemment, on se heurte possiblement sur une loi de ce genre à la censure du Conseil constitutionnel. On l'a vu dans le cas de la loi sur les licenciements boursiers, où la question de la liberté d'entreprendre a été brandie par le Conseil constitutionnel pour interdire les limitations. Bon, effectivement, si on a une loi qui dit que la liberté d'organiser le travail rencontre des limites qui tiennent compte de la nécessité de préserver la santé des salariés, ça peut se heurter à une censure du Conseil constitutionnel. Enfin, en tout cas, ça serait un débat intéressant, ça serait un débat politiquement et socialement intéressant. Donc, je suis très perplexe sur votre positionnement contre l'initiative législative sur ce sujet. Alors, j'ai dû riper tout à l'heure si j'ai dit que dépression, burn-out, suicide, etc. étaient des facteurs, des manifestations. On est bien d'accord. La difficulté de légiférer sur ces questions-là, c'est que c'est de tomber sur des textes trop généraux et qui ouvrent la porte. C'est ce qu'on a vu avec le harcèlement moral. Le texte est trop général. Donc le juge doit avoir un travail d'interprétation immense, au moins 10 ans pour bien tout en tant qu'aveugle, parce que le texte permettait un certain nombre d'interprétations, donc il a fallu adapter le texte, son application et son interprétation sur ce qui se faisait dans le réel. Par ailleurs, pourquoi est-ce que je parle beaucoup de la jurisprudence? Parce qu'effectivement, sur les questions de confrontation du pouvoir de direction à la santé des travailleurs, sur les questions de la confrontation des organisations à la santé des travailleurs, etc., la portée des textes sont encore très limitées. Alors, c'est le législateur qui fait le droit, c'est pas le juge. Mais sur des questions aussi complexes que celle-ci, et aussi complexes que celles soulevées par les risques psychosociaux, je reste convaincu qu'il est difficile d'avancer un texte juridique, enfin légal, et que finalement réfléchir sur des questions aussi complexes, ça pousse aussi à être créatif et être créatif dans le mouvement et à s'adapter aussi. Les conditions de travail et vous, d'ailleurs, il y a des glissements qui s'opèrent entre risques psychosociaux et qualité de vie au travail. Donc on pose les conditions de dialogue social sur la santé au travail sur un autre niveau également. Et que finalement, le juge, lui, peut continuer à s'adapter et plus rapidement que le législateur sur les évolutions des conditions de travail. Après, parce qu'il faut objectiver pour qualifier, pour rendre juridique aux yeux du juge des faits et leur appliquer un régime juridique adéquat, oui, ça me paraît toujours, enfin, aux yeux du juriste, hein, enfin, pour moi, ça me paraît, je ne suis pas le seul à avoir ce point de vue-là, ça me paraît vraiment très difficile d'avoir une définition juridique des risques psychosociaux. Sur la deuxième partie de votre intervention, c'était sur... Ouais, ouais. Moi j'ai une question, alors une double question, alors qui est peut-être à la fois très générale, mais qui en même temps pas si générale que ça, en fait, qui prolonge un peu cette question-là sur si on fait le parallèle avec les cancers, en fait, on a toute une série de difficultés aussi pour associer enfin, un cancer, le cancer d'un individu à une. Donc, première question, est-ce que c'est vraiment. Enfin, est-ce que cette difficulté, elle est liée au fait que c'est lié à des facteurs spécifiques ou à des pathologies spécifiques. Enfin, voilà, ma question, c'est un peu, mais ça, à la limite, ça vous concerne tous les deux, c'est est-ce que les RPS, la difficulté, elle est liée justement au fait qu'il y aurait soit des facteurs particuliers, soit des pathologies particulières, et donc il y aurait une difficulté particulière, ou alors est-ce que c'est plutôt les mêmes difficultés qu'on rencontre sur tous les autres risques chimiques, physiques, etc., des difficultés liées à la mobilisation des salariés, etc. Premier pan de la question, et deuxième pan de la question, mais après c'est peut-être plus une réflexion générale ou mais ce que je me dis alors c'était surtout en entendant ton intervention celle de Philippe ce matin où en fait en gros ce qu'on voit dans un premier temps c'est un discours du salarié sur formulé en termes de risque psychosocial, de lien enfin avec la hiérarchie etc. enfin un truc un peu standardisé, discours qui vient de l'extérieur ce que tu as expliqué bien. Et en fait, donc ma question c'est est-ce que ce discours-là, c'est pas le seul discours qui est devenu aujourd'hui audible sur le travail. C'est-à-dire est-ce que aujourd'hui pour parler du travail, on n'est pas obligé de passer par le fait que ça atteint ma santé, ça. C'est-à-dire est-ce que ça fait pas partie d'une difficulté aujourd'hui qu'on a abordé la question du travail si elle passe pas justement sous l'angle ça m'atteint personnellement dans ma santé, dans physiquement, psychiquement, etc. Enfin. Je ne sais pas si ma question est claire, mais j'ai l'impression que quand même on a une comme si aujourd'hui on ne pouvait parler que des conditions de travail que si elle mettait en cause vraiment la santé du salarié. C'était une des conditions pour lesquelles on le rendait un petit peu plus audible. Enfin bon, peut-être je tire un peu le fil un peu trop loin. Enfin, ce que nous on constate, c'est qu'effectivement il y a des conséquences sur la santé, qui sont des conséquences extrêmement importantes, et que la question de la plainte des salariés sur, plainte qui peut effectivement être plutôt générale, mais j'en ai marre, la question de la fatigue, la question de enfin, il y a vraiment. Et puis, quand même, beaucoup de salariés aujourd'hui qui sont en arrêt, des arrêts de travail, etc. Donc, ces conséquences, elles existent. Ce qui n'empêche pas qu'il y a un débat possible sur le travail sans forcément faire ce lien. C'est-à-dire que les collectifs de travail qui fonctionnent continuent quand même à débattre en partie sur un certain nombre de controverses sur le travail sans forcément que. Enfin, justement, ceux-là vont mieux. Enfin, ceux qui arrivent à débattre sur ces questions. Moi, on ne soutient pas le point de vue qu'il faut forcément. Partir des conséquences sur la santé pour intervenir sur ces questions-là. En même temps, c'est souvent comme ça que ça va être effectivement porté. Mais après, il y a sur ce débat aussi, il y a quand même des choses. On voit quand même un certain nombre de situations qui sont des situations où, les neuf principes de prévention, dont la question adapter le travail à l'homme, ça c'est dans le code du travail. Bon, on voit des écarts extrêmement importants dans la plupart des restructurations, sur des restructurations qui mettent en cause un principe qui est dans le code du travail, qui est normalement dans la loi. Ce qu'il n'y a pas dans la loi, c'est que c'est les inspecteurs du travail disent par exemple que sur ces principes de prévention, ils ont une difficulté, c'est qu'il n'y a pas de sanction qui est prévue. Donc on a sur un certain nombre de questions comme des préconisations mais qui dans les réalités sont plutôt facultatives facultatives. C'est théoriquement la loi, n'empêche que il y a des écarts effectivement extrêmement importants. Et, par exemple, il me semble qu'il y a des possibilités de sanctionner c'est pas seulement la question de la réparation. Nous, si on se bat pour faire reconnaître un certain nombre d'accidents du travail, de pétage de câbles, etc., d'un accident de travail, et on est convaincu que s'il y avait ne serait-ce que 10% des crises de nerfs, des pétages de nerfs, etc., tout qui serait déclaré un accident de travail, qu'en termes de prévention, ça changerait forcément les choses. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer les questions de réparation, de prévention, de victimes, etc. Et, tout. Et puis, la question de modifier l'origine un peu de tout ça. Enfin, voilà. Mais je pense que déjà sur les textes du Code du travail, notamment sur la question des principes généraux de prévention, on voit qu'il y aurait des adaptations ou des compléments législatifs à faire qui effectivement permettraient d'imposer aux employeurs que et puis il faudra effectivement renforcer réellement le rôle des CHSCT qui devrait pouvoir avoir comme fonction de vérifier justement qu'une restructuration n'aboutit pas systématiquement à des remises en cause, à chaque restructuration, c'est l'adaptation des hommes, des humains, des salariés au travail, et pas le contraire. Enfin, vraiment, il y a quasiment aucune restructuration, aucune modification qui est présentée qui va dans le sens d'améliorer les choses, quoi. C'est intéressant. Moi, je pense que les risques psychosociaux, on ne peut pas les normer. On ne peut pas en faire une norme juridique. On ne peut pas avoir des normes juridiques autour de... trop difficile à normer, si vous voulez. C'est plus simple si je m'exprime comme ça, pas les normer. En revanche, effectivement, il y a des évolutions jurisprudentielles qui méritent d'être retenues par le législateur et sur des aménagements. Je reviens sur une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui est en charge du contentieux de sécurité sociale, et on repasse, et qui se fonde sur l'obligation de sécurité de résultat, d'ailleurs, du 8 novembre 2012, qui estime très fortement, et le rôle du médecin du travail est important, que dans une restructuration, dans une réorganisation, l'employeur doit prendre en compte toutes les données médicales relatives à cette réorganisation. Par exemple, si le médecin du travail va faire une alerte, attention, la manière dont vous allez surcharger les salariés, vous avez un risque accru d'accident vasculaire cérébraux ou d'infarctus. C'est un élément important, c'est-à-dire de dire que voilà, dans un contexte de réorganisation, de restructuration, dans une entreprise d'édition, on va fusionner, on va essayer de mutualiser, on va mettre une personne à la tête de deux maisons d'édition qui, à 70 heures par semaine, va faire un infarctus. Pourtant, au préalable, sur ce projet de réorganisation, l'employeur avait été informé qu'il y avait des risques d'accidents cardiovasculaires, eh bien, il est dans l'obligation de prendre en compte les données médicales en lien avec cette réorganisation. C'est un type d'évolution via la jurisprudence qui peut permettre d'améliorer le droit du travail, le droit de la prévention des atteintes à la santé au travail. Parce qu'on a ce qu'on appelle un arsenal juridique, c'est les dispositifs juridiques en lien avec la santé au travail, qui sont déjà mobilisables, qui peuvent être utilisés. C'est pour ça que le juge, dans son interprétation, va utiliser un dispositif dans un sens ou dans un autre. Même si, pour certains employeurs, moi je suis dans la fonction publique, dans une restructuration, on a beau les avertir sur les conséquences de santé d'une réorganisation, dans le public, la jurisprudence est très différente. Là, sur l'arrêt du 8 novembre 2012, c'était vraiment sur des données médicales avec une expertise médicale en lien avec la réorganisation. Les expertises sont des armes, des arrêts de travail, des fusions, surcharges, etc. On les alerte, on revue régulièrement et il y en a qui se fait. Il y a même eu deux alertes dans le registre du CHSCT et Anne ne fait rien venir. On est vraiment dans un mutisme et un refus de prise en charge. Là, ça renvoie à la question de l'effectivité du droit. Parce qu'effectivement, même si on Oui, ce qui était le constat de. C'est pas seulement dans la fonction publique. Oui. C'est pas seulement dans la fonction publique. Mais moi, je le fais à l'intérieur. Non, non, mais. Non, mais la fonction publique, c'est pire parce que la jurisprudence, c'est moins développée que. Et en plus, voilà, c'est du fait sanitaire. Donc, les risques, ça, on le connaît bien. Il y en a moins qui sont plus. Parce que les syndicalistes, ils vont moins aussi. Phénoménal. On est à l'Institut des sanitaires. On leur dit qu'il y a des risques sur la santé. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, je vous entends bien, je vous entends. Je crois que je suis conscient, je vous entends. Mais il n'y a rien qui se fait par derrière. Donc oui, c'est pareil, c'est où, même si on définit, mettons qu'on définit les risques psychosociaux, après, il faut qu'il y ait une effectivité et que ça puisse fonctionner. Donc, ça ne garantit pas non plus une amélioration du droit et de son application. Ok, dernière série de questions, Alain Carré, Émilie Cunil. C'est simplement pour revenir sur cette question, c'est ce que m'évoque votre remarque, c'est la question du statut de la parole du salarié. C'est-à-dire que le salarié, je crois qu'il y a un arrière-plan de subordination. C'est un mineur. C'est un mineur, le salarié. Sa parole est mise en doute systématiquement. Voilà. Et elle n'est acceptée que si elle est, médiatisée de façon puissante. C'est pour ça que, bien évidemment, le rôle du CHSCT est absolument essentiel. C'est que un chef d'établissement ne croit pas, par définition, ne croit pas, c'est ce qu'on appelle le déni péjoratif de l'encadrement que décrit de jour, ne croit pas par définition la parole, la subjectivité du salarié. C'est-à-dire, en fait, il faut lui... c'est comme saint Thomas, il faut absolument qu'il voit, mais de façon massive. Hein, mais quoi, il voit, on a fait deux notifications dans le registre. Mais il ne peut pas le voir. Il a un blocage, parce qu'on appelle une stratégie défensive. Ok, avant, juste Émilie, et puis... Je voulais revenir sur la question d'Emmanuel sur la spécificité, en fait, les difficultés spécifiques aux atteintes à la santé mentale, enfin, associées à ce qu'on appelle les risques psychosociaux par rapport à la question des cancers professionnels, par exemple. Je continue à ne pas voir en quoi c'est plus difficile, parce que dans la réalité des choses, il y a multi-exposition. Souvent, c'est pas de la... Enfin, le cancer, c'est multifactoriel. On va souvent opposer ça, d'ailleurs, aux gens qui sont dans des démarches de paiement en réparation. Et en plus, c'est des effets différés, avec des latences encore plus longues, peut-être, que pour les... Enfin, souvent plus longues que pour les manifestations en lien avec la santé. Donc, qui se passe hors du cadre de subordination que vous évoquiez tout à l'heure pour pouvoir constater des effets directement liés au travail. Donc voilà, si vous pouvez revenir sur ce point-là, si vous avez des éléments d'information. Et puis aussi sur la question spécifique des accidents du travail, de comprendre comment ça s'est construit comme ça, pourquoi est-ce qu'on a privilégié en termes de réparation le fait de passer par une déclaration en AT, et quelles sont les applications. Parce qu'il me semblait que c'était de la responsabilité de l'employeur de déclarer une AT, contrairement à la maladie professionnelle qui va être déclarée par la victime elle-même, enfin celle de requérant. Donc quels sont les enjeux derrière en termes. Pourquoi ça s'est construit comme ça et pas plutôt en s'en rendant vers l'IMP. Et puis un point pour Bernard, qui est tu parles de mise à l'action des salariés, de leur mobilisation, et y compris l'utilisation de ces enquêtes-actions pour faire émerger un peu cette mobilisation. C'est un des seuls moteurs possibles de transformation. Et comment concrètement, est-ce que tu as un exemple concret de. Comment ça peut prendre forme et corps dans une situation Sur ce dernier point, ce qu'on constate, c'est que quand des militants syndicaux sont dans une posture d'enquête, c'est-à-dire dans une posture de questionnement des salariés, ça change en termes de mobilisation. Quand on arrive à... Un des enjeux, c'est par exemple de pouvoir décrire des situations, pas de manière générale, mais au plus près des situations. Un tas d'exemples qu'on va mettre là dans un cahier stagiaire là, pour les futures formations. Par exemple, quand des libraires d'une grande librairie décortiquent, se mettent d'accord ensemble pour décrire les situations de pression qu'elles rencontrent, les modifications incessantes de... Un jour, il faut dire aux clients qu'il faut que les livres soient commandés par Internet, et puis le mois suivant, c'est la vente directe, enfin, des changements, etc., etc. Quand elles décrivent ça, que cette description, elle l'envoie aux autres libraires, d'autres librairies, en l'occurrence, c'était aussi la FNAC, que une autre, des libraires d'une autre FNAC répondent en disant merci d'avoir mis des mots sur nos mots, des mots MOTS sur nos mots MAUX, parce qu'on nous disait chez nous que c'était particulier, que partout ailleurs tout se passait bien, etc. Vous voyez, quand on est dans une description qui n'est pas une description des mécanismes généraux de la pression, mais qu'on repart de situations qui sont des situations qui peuvent être décrites, on a des phénomènes dans lesquels on a des situations dans lesquelles beaucoup beaucoup de salariés, beaucoup de collègues vont se retrouver effectivement dedans. Et du coup, ça fait, enfin, quand je parle de mobilisation, les militants syndicaux dans le CHSCT concernés, par exemple, c'était pendant longtemps un peu épuisés à essayer de convaincre les directions que ça n'allait pas. À partir du moment où il y a une lettre collective, par exemple, qui est mise en œuvre, ce qui est le résultat d'une pratique d'enquête-action, de travail de terrain, qui prend parfois effectivement du temps, les choses bougent. Ça bouge pour les personnes et ça bouge en termes de résultats. Après, je pourrais citer un tas d'exemples où, y compris à partir de ce que vivent les salariés, on peut avoir des critiques, alimenter la critique du système, alimenter des critiques beaucoup plus macro, quoi, hein, beaucoup plus. Voilà. Après, sur la question de est-ce que c'est plus difficile sur les questions de pression de RPS, pression au travail, de faire. D'abord sur la question de l'accident du travail. Enfin, l'accident du travail, à partir du moment où on a un fait déclencheur ou une série de faits déclencheurs, qu'on nous dit la définition c'est par le fait ou à l'occasion du travail, la déclaration d'accident du travail est beaucoup plus rapide et plus simple quelque part pour les équipes syndicales que de passer par l'instruction. Enfin, en tout cas, ce que nous on a vu, que passer par l'inscription de la maladie professionnelle, de machin, etc. Tout. Bon, voilà. Enfin, c'est ce que dans un certain nombre de situations, on est plutôt été. Bon. Mais bon, l'écart entre accident du travail et maladie professionnelle, si on avait la possibilité. Ce qui nous intéresse aussi là-dedans, c'est effectivement de passer de situation. En tout cas, de passer de situation de je m'arrête, j'en peux plus. Donc je me mets en maladie à une situation où on fait reconnaître qu'il y a un lien avec le travail. Si on peut le faire demain par des reconnaissances de maladie, effectivement, tant mieux. Mais on le fait plutôt actuellement. Parce qu'il y a des situations quand même qui sont complexes. On a des situations, par exemple, où on nous dit qu'une personne prend une crise de nerfs au boulot, le SAMU vient la chercher, elle se retrouve hospitalisée, et derrière, on la met en maladie. Il n'y a pas de déclaration d'accident de travail. C'est pas possible. Enfin, même des situations comme ça, on va les retrouver effectivement, souvent. Bon, c'est pas possible. Alors, l'intérêt de faire déclarer un accident de travail, en l'occurrence, c'est aussi que ça peut déclencher une enquête de CHSCT tout de suite, que ça peut nous permettre d'engager, de demander une expertise. Il y a une série de pistes tout de suite. La maladie professionnelle, c'est évidemment quelque chose de plus long, et puis les critères ne sont pas les mêmes, etc. Voilà, enfin, en tout cas, ce qu'on essaye de lier, c'est des initiatives qui permettent les mises en mouvement. Mais après, que ce soit dans la fonction publique ou ailleurs, encore une fois, on peut mettre devant les employeurs noir sur blanc des droits d'alerte, des droits de je sais pas quoi, etc. et tout. Si on n'a pas la mobilisation des salariés, ou s'il n'y a pas la crainte de quelque part d'aller en justice, dans les fonctions publiques par exemple, on va beaucoup moins en justice, beaucoup moins en justice que dans le secteur privé. Le juge est beaucoup plus restrictif, il a une approche beaucoup plus restrictive. Oui, en même temps, par exemple, sur les accidents du travail, le rapport de la Cour des comptes, il y a quelque temps, disait que quand les, les salariés qui, les agents de la fonction publique vont au tribunal, enfin comme ça passe au Conseil d'État, la jurisprudence du Conseil d'État a tendance à alors souvent avec un peu de retard, et à s'aligner sur. Donc, nous semble-t-il, il y aura un intérêt à développer aussi les contentieux au niveau des fonctions publiques. La plupart du temps, c'est quelque chose, souvent on nous dit c'est long, mais c'est aussi long pour le régime général. Oui, les textes de la fonction publique sur les risques psychosociaux sont différents, mais connaissent une accélération considérable en matière de risques psychosociaux cette dernière année. Donc il y a un effet de rattrapage. C'est même parfois, ce qu'on a vu récemment, c'est que c'est même parfois, dans certains cas, entre guillemets, plus facile de faire avancer les choses à la fonction publique parce qu'il y a une notion de maladie imputable au service, qui n'est pas la notion d'accident du travail et pas la maladie professionnelle et qui peut permettre éventuellement de faire effectivement des choses. Donc la question, c'est comment on lit tous les possibles, quoi. Il y a beaucoup de résignation. Nous, ce qu'on constate, c'est quand même beaucoup de résignation chez ceux qui subissent ces situations et pour partie les militants syndicaux. Et que la question, c'est comment on passe sur des possibles. Sur la question de est-ce que par rapport au cancer professionnel, c'est plus facile ou bon. Je pense qu'il y a une partie qui est identique. C'est quand même sur ces questions de risques psychiques, des conséquences de dépression, tout ça, tout. Il y a aussi des situations qui peuvent être des. Enfin, ça paraît, en tout cas, une maladie, des conséquences sur la santé peuvent sur la santé mentale ou même sur les conséquences sur la trouble musculo-squelettique, sur les maladies cardiaques, etc. et tout. Je pense que dans l'esprit d'un certain nombre de salariés, ça paraît moins, le lien paraît peut-être moins évident avec le travail. En tout cas, c'est peut-être plus contesté, mais je ne suis pas sûr. Alors, sur le CHSCT, ce qui est intéressant, c'est que je pense que le CHSCT pourrait permettre à l'employeur de prendre conscience du travail réel. Je crois beaucoup. Oui. C'est quand même un lieu d'échange. Et sur la question du dîni, du respect de la parole du salarié, vous nous renvoyez au 19e siècle sur la confrontation entre la parole du salarié en cas d'accident dans le travail. C'était quasi systématiquement devant les juges la parole de l'employeur qui l'emportait sur celle du salarié. Et donc tous ces débats ont abouti au compromis et à la loi du 9 avril 1998 où on inverse avec la présomption, c'est un compromis, la présomption d'imputabilité quand l'accident a lieu en temps et en lieu de travail, et ça à l'employeur va démontrer que ça n'a rien à voir. En ce qui concerne la comparaison avec les cancers, ça renvoie à la question des maladies professionnelles. Je vais essayer d'être bref. Il est plus commode pour le juriste aussi de faire reconnaître des troubles psychosociaux en accident du travail parce que on n'est pas dans la contrainte des tableaux de maladies professionnelles. Et donc il est plus commode, même si on tire un peu sur l'effet de soudaineté, de reconnaître une dépression soudaine. Ce que je disais tout à l'heure, de reconnaître, je crois que tu avais un arrêt sur le burn-out, de reconnaître une tentative de suicide en accident de travail. Du travail, c'est beaucoup plus commode. Et d'ailleurs, on peut derrière déclencher la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en plus. Et on fonde tout cela sur l'obligation de sécurité de résultat. Donc, c'est quand même beaucoup plus commode. Alors, ce qui concerne les maladies professionnelles, il y a effectivement les maladies reconnues dans les tableaux, voire des maladies en lien avec le travail, mais qui sont reconnues professionnelles par une procédure de reconnaissance hors tableau. Dans les tableaux, nous avons un système de reconnaissance des maladies professionnelles qui est rigide, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les bouger comme ça, et que en plus, il faut qu'on soit scientifiquement capable de prouver un lien direct et exclusif avec le travail, pour intégrer de nouvelles maladies dans le tableau des maladies professionnelles. Ce qui reste assez délicat si on va sur le terrain de la dépression notamment, voire même à certains égards seulement sur le burn-out, il est très, très difficile voilà, de trouver le lien direct exclusif avec le travail. Alors que sur si on se montre sur l'obligation de sécurité de résultat, donc du côté du droit du travail, et on le lit à la reconnaissance de l'excellence du travail, même si le travail n'est pas la cause essentielle du trouble, il est quand même responsable. Donc on reconnaît la responsabilité de l'employeur et la personne. En ce qui concerne la reconnaissance des maladies hors tableau, il faut savoir qu'on a déjà facilité l'ouverture de cette procédure en passant un des critères pour y prétendre de quitter le critère c'était un taux de 66% d'incapacité, on l'a passé à un taux de 25%. On est passé de 66% à 25% pour permettre à plus de salariés de prétendre à la reconnaissance de leur maladie en maladie professionnelle via la procédure de reconnaissance hors tableau. Il y a de plus en plus de demandes de reconnaissance de dépression et de burn-out, d'ailleurs, un petit peu en maladie professionnelle via cette procédure, mais il y a encore, me semble-t-il, plus de demandes que de reconnaissance, même si le nombre de reconnaissances augmente, et ça implique... La proportion n'augmente pas, la moitié. Oui, la moitié, oui. Ah non, c'est 100 en 2012 ou 2013, sur 500 demandes. Oui, il y a... Il y a de plus en plus de demandes, mais je ne sais pas si la proportion de reconnaissance augmente ou pas, mais c'est une procédure qui est plus difficile quand on est sur le terrain psychosocial, le terrain de la dépression du burn-out. Donc ici, et par ailleurs, la procédure est plus difficile avec trouver le lien avec le travail, le lien de causalité, etc. Donc c'est toujours délicat, cette question-là. C'est sur là dessus que ça choque d'ailleurs, très souvent. De reconnaissance. Donc il est plus commode de passer par la clinique. C'est d'une région à l'autre, les gens sont pas les mêmes. Oui, sur des commissions régionales, sont des comités régionaux, pardon. Il y a des régions où c'est 0% de reconnaissance. C'est vrai que la question qu'est posée aux experts de cette RMP, c'est est-ce qu'il y a un lien direct et essentiel sur les alinéas 4? Et franchement, pour un expert, ce serait impossible de répondre oui pour une personne donnée. C'est le même problème pour les cancers que pour les dépressions ou les burn-out. Soit l'expert adopte une posture pragmatique de dire on demande de statuer sur un cas et je peux contribuer à ce qu'il accède à un droit, et donc je réponds en ayant ça en tête, soit je réponds strictement à la question et je réponds tout le monde à la limite. Enfin, parce qu'un lien direct est essentiel, si c'est aux scientifiques qu'on s'adresse, l'expert scientifique médical, il ne peut pas répondre à une personne. Et donc, la façon de poser la question, peut-être, je ne sais pas si là, moi, ça évolue, mais... Je crois plus sur une amélioration de la procédure de reconnaissance de maladie hors tableau, avec d'ailleurs les arguments de dire, attention, on va ouvrir la boîte de Pandore, comme on voit sur les pénibilités, mais pas de rendre plus souples les tableaux de maladie professionnelle. Là, ça n'est vraiment... direct et exclusif. Effectivement, si on ouvre des tableaux de maladies professionnelles, ça reste vraiment délicat. Pas délicat. Il y a eu une expérience en Italie où ils ont voulu assouplir la reconnaissance des maladies dans les tableaux de maladies professionnelles. Il y a eu un arrêté royal, mais qui n'a jamais été appliqué parce qu'il y a eu une montée au créneau très très puissante des patients. Et puis moi j'avais su qu'il y avait eu un débat au sein de la commission des maladies professionnelles pour faire un tableau dépression, mais qu'a jamais appliqué. C'est un débat, oui. Enfin oui, bon. En tout cas un projet qui n'a pas été très long, mais qui avait été. En tout cas, disons, les représentants des travailleurs présents dans cette commission sont dans leur immense majorité unanimes sur la possibilité de faire un tableau de maladie professionnelle. Mais nous nous heurtons à une double opposition, une opposition du patronat qu'on comprendra d'emblée, et une position de l'administration qu'on comprendra parce que il faut bien raisonner en termes d'administration comme employeur. L'administration est aussi un employeur. Donc en fait, nous avons devant nous deux adversaires redoutables, hein, puisque les fonctions publiques, malheureusement, paient un lourd tribut aux nouvelles organisations mises en place dans ces fonctions publiques. Donc je ne suis pas du tout optimiste quant à l'issue. Par contre, alors, ce que nous tenons alors comme deuxième revendication, c'est la prise en compte non seulement des maladies psychiques, mais des maladies d'origine psychique, à savoir des maladies psychosomatiques. Et là encore, nous nous heurtons à une difficulté, disons, institutionnelle que je viens de décrire. Voilà, nous tenons ces deux positions, à savoir, un, tableau est possible, nous continuons à le revendiquer, et deux... Avec le lien direct et exclusif... La présomption d'imputabilité. Oui, c'est ça. Tableau. Non, mais comme on a le tableau, par exemple, des cancers poumons amiantes, c'est le même principe. On décide d'imputer. Voilà, notre revendication, c'est celle-là, c'est-à-dire un tableau avec présomption d'imputabilité qui, bien évidemment, au regard d'un certain nombre de formes d'organisation du travail, automatiquement ferait reconnaître un certain nombre de maladies. Hein, voilà. Donc, là, très franchement, je ne pense pas qu'on aboutira avant un bon moment. Je crois qu'il faut caractériser le problème. Le problème, c'est un problème de pouvoir, c'est pas un problème technique. Par rapport à ce que disait Loïc tout à l'heure, du point de vue technique, du point de vue de l'identifiabilité ou l'objectivité des causes, c'est beaucoup plus facile. Alors, quand on fait des travaux épidémiologiques, c'est beaucoup plus facile d'identifier l'impact des risques psychosociaux sur la santé que l'impact des produits chimiques. D'abord, c'est instantané ou quasiment instantané. Il n'y a pas cette histoire de délai de latence extrêmement long. En plus, l'identification des expositions est relativement simple à faire. On passe des questionnaires. Donc voilà, c'est, du point de vue technique, c'est vraiment pas un problème. Hein. La difficulté par rapport au cancer est beaucoup plus faible. Par contre, alors là, le problème est politique. Oui, le problème, c'est un problème de pouvoir. Quand l'ordre attaque les médecins du travail qui font des diagnostics de la diabète, souffrance au travail, une plainte, elle vient de patrons qui interpellent l'ordre. Donc, pour avoir du mal. C'est l'instrumentalisation. Les médecins du travail vont avoir de plus en plus de mal à faire leur métier et d'alerter sur. C'est bien pour ça qu'il n'y aura bientôt plus de médecine du travail. C'est pour ça aussi qu'il n'y aura plus de CHSC.